الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فالحمد لله الذي جمعنا وإياكم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. Louange à Allah qui nous a réunis dans son obéissance, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir dans son paradis. فمما لا شك فيه أن الذي ينظر إلى أحوالنا الآن يرى أن الشبهات كثرت، تعصف من كل مكان، طوفان من الشبهات كل يوم. Et il n'y a aucun doute que celui qui est doué de raison, il voit ce qui tourne, ce qui se passe sur le terrain, qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Chaque jour, un déluge d'ambiguïté qui tombe sur l'esprit de notre jeunesse pour la détourner de la voie de ses puissants, de Allah alayhim. Fa la shakka anna al-salafi wa anna al-ladhi yuridu an yatamassaka bimanhaj Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam وصحبه الكرام رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا بد له أن يتأصل وأن تكون عنده قواعد وأصول في قواعد وأصول في المنهج، قواعد وأصول في توحيد الألوهية، في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، لكي يرجع إليها كل ما يلاقيه من مشاكل. يوكندت كالسلفي celui qui veut se cramponner à la voie de ses puiseurs, il doit avoir des règles et des fondements vers lesquels il doit revenir toutes les ambiguïtés, toutes les paroles qu'il entend. Des règles et des fondements concernant le monothéisme de l'adoration. Des règles et des fondements concernant le monothéisme de la seigneurie. Des règles et des fondements concernant les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Des règles et des fondements concernant la jurisprudence, concernant la voie à suivre aussi, pour être épargné de toute forme d'ambiguïté et pour ne pas être comme la plume du coq. Chaque fois qu'il y a un vent qui arrive, il la pousse partout. Il l'amène à droite, il l'amène à gauche, ah, il la fait voler à l'est et à l'ouest. Ah, enfin, nous devons nous acharner à maîtriser les fondements pour ne pas être une girouette et pour ne pas être télécommandé par certains. Enfin, pour se faire, Inch'Allah, pour avoir certaines règles de la voie de nos puissants d'Allah, nous allons nous pencher sur une conférence de son éminence, Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, il y a plus de 10 ans maintenant, qui est intitulée « Les règles et les fondements de la voie salafie ». Fa yaqulu hafidhahullah ta'ala, « Fa ya ayyuhal abna, iqtadat hikmatullahi ta'ala » حكمة الله سبحانه وتعالى أنه في كل زمان وفي كل مكان أن يهيئ الله سبحانه وتعالى من ينصر دينه ويعلي كلمته ويدعو إليه على بصيرة، كما أنه في مقابل هذا ينبري من ينبري من أهل الأهواء الذين يناصبون السلفية وأهل العداء، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لطيف خبير، لن يضيع دينه ولكن يضيع من يبتغي غير ما جاءت، يضيع من يبتغي غير ما جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل أحدا سفيرا بينه وبين خلقه يبلغهم عنه شرعه سوى من اصطفاه من النبيين والمرسلين. ولئن كان في بعض الأزمنة والأمكنة تعصف بالناس عاصفة الهوى ويستوحش كثير من أهل السنة لكثرة مخالفيهم فإنه يسليهم ثلاث أمور. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, dans cette introduction, ô enfant, les choses qui sont faites à la perfection par Allah subhanahu wa ta'ala veulent que, à chaque époque, en tout lieu, en tout temps, Allah subhanahu wa ta'ala prépare des gens qui font triompher sa religion et qui font élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui appellent les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science et avec clairvoyance. Et aussi, comme les choses sont faites à la perfection par Allah subhanahu wa ta'ala, en face de cela, il y a ceux parmi les gens de l'innovation qui sont les ennemis de la voie des puiseurs d'Allah alim et de la salafia et qui vouent une haine contre la salafia et les gens et les salafis. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les choses à la perfection, il a la connaissance de tout et il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala ne négligera pas sa religion. Mais celui qui va être négligé, et celui qui va se perdre, c'est celui qui cherche une autre voie que la voie transmise par les prophètes alayhi salatu wassalam et par les messagers alayhi salatu wassalam. Cette voie qu'ils ont transmise de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait qu'il y ait des ambassadeurs entre lui et ses créatures, à part les messagers qu'il a envoyés. Ceux qu'il a élus, il les a envoyés avec la législation qu'il a voulu, Azza wa Jal. Et il se trouve que dans certaines périodes et dans certains endroits, et à un certain moment, il y a la tempête des passions qui fait secouer les gens. Et il se trouve en certains lieux, en certains endroits, que les gens de la vérité et les gens de la salafia se trouvent seuls. Hein? Ils se sentent qu'ils sont seuls, qu'ils sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que le nombre de ceux qui sont en divergence avec la voie de Nupuzer ou d'Allah, ce sont eux les plus nombreux. Mais ceux qui se sentent seuls doivent se réconforter avec trois points. Écoute, frère en Allah, Azza wa Jal, toi maintenant que tu te sens seul, tu te sens étranger à l'intérieur de cette communauté, écoute à ces trois choses que tu dois mettre dans ton esprit en face de toi pour te réconforter et pour te maintenir dans la voie de tes puiseurs, dans l'âme, pour te cramponner dessus avec tes molaires. يقول حفظه الله الأمر الأول في قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فمن استوحش بكثرة المخالفين ووجد الغربة لقلة السالكين مسلكه إذا تذكر أن رفاقه على طريق الحق والهدى أولئكم الأصناف الأربعة زالت عنه الوحشة وأصبح قوي العزيمة مشدودا به أزره لا يخشى في الله لومة لائم ولا تزعزعه ثقته بنصر الله لجنده كثرة الهالكين ولا قلة السالكين لأن أولئكم الصفوة هم خير عباد الله خير عباد الله من البشر فمن كان رفيقه خير عباد الله فلن يستوحش بل يزداد ثباتا وصبرا ويقينا وقوة. Il dit, حفظ الله تعالى, le premier point pour que tu te réconfortes, tu le trouves dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sourate An-Nisa, où il est dit, et celui qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de son bienfait. parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Donc, chérie, nous dire, si tu te sens seul, parce que ceux qui sont en divergence avec la voix de Tipuzer, Rodouar Lahim, sont nombreux, hein, et que tu te sens étranger, parce qu'il y a peu de gens qui sont sur la même voie que toi, tu dois te rappeler que tes compagnons sur ce chemin, tu dois te rappeler que tes compagnons sur le chemin de la vérité et de la guider, ce sont ces quatre catégories. Qui sont lesquelles? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et si tu te rappelles ceci, tu l'as tout le temps à l'esprit, ben tu vas avoir une forte résolution. Hein? Et peu importe, tu te sentiras plus seul. Et tu vas te sentir renforcé. Et tu vas craindre rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta confiance en le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va triompher son armée, hein, va pas s'ébranler. Tu n'auras pas de doute parce que les divergences, ceux qui sont en divergence avec la voie d'épuiser d'Allah, ils sont nombreux. Et ta confiance va se renforcer même si peu de gens sont avec toi sur la voie. Car s'ils illuminent Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les meilleurs de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala il les a élus. Hein? Et donc, celui dont les compagnons sont les meilleurs et ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a élus, il n'a pas à avoir peur. Il ne doit pas se sentir seul. Il ne doit pas se sentir étranger. Mais ceci doit le renforcer encore plus, doit lui donner encore plus d'endurance, plus de patience, plus de force. Ça, c'est le premier point. Mets-le-toi bien dans l'esprit. Hein? Chaque fois que tu faiblis, chaque fois que tu te sens étranger, rappelle-toi ce verset. Hein? Que la voix de Tipuzer dans l'homme, c'est la voix de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de son bienfait. Et rappelle-toi que chaque fois dans ta prière, tu demandes ceci, à être dans cette voie-là, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblé de ses bienfaits. Hein? Et donc il est évident que tu dois t'armer de patience et toi te présenter à l'esprit les prophètes, hein, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et ceci doit te pousser en avant et te donner de la force à l'islam. Ça c'est le premier point. L'amour thani. ما جاء في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ومخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فقد جاء فيه فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Le deuxième point qui doit te réconforter, c'est que tu dois méditer sur ce hadith, dans lequel, qui est dans les authentiques, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, arda, où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 670 000 qui vont rentrer au paradis sans compte. Et dans le hadith, il est dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu le prophète avec lequel il y a à peine une dizaine de gens. Et le prophète avec lequel arrivera seulement un homme. Et le prophète avec lequel il y a deux hommes. Et un prophète, il n'y a personne avec. يقول حفظه الله لنتأمل في هذا الحديث قليلا فهذا النبي الذي جاء وليس معه أحد إلى من بعث. Et Cheikh de nous dire qu'on médite un peu, qu'on s'arrête, qu'on médite ce hadith. Et qu'on le médite, qu'on regarde ce prophète qui va arriver le jour de la résurrection. Il n'y a personne avec lui. Il a été envoyé à qui? Hein? À votre avis, il a été envoyé au vent? Là, il a été envoyé à son peuple. Mais il arrivera le jour de la résurrection seul. Hein? Est-ce que tu crois que quand ce prophète alayhi salatu wassalam faisait sa da'wa, il a faibli ou là il a laissé tomber sa da'wa? Où là il a ramené des idées qui vont de pair avec les gens vers lesquels il a été envoyé, abadan al-islam. فهذا النبي الذي جاء وليس معه أحد إلى من بعث إلى أمة أم إلى غير أمة إلى تنفي إن كومينوتي ولا با إن كومينوتي إلى أمة بعثة بماذا؟ ألم يكن مبعوث ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يجب أحد أو النبي الذي أجابه الرجلان أو الرات وهم من الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة؟ ألم يكونوا جاءوا بالهدى ودين الحق؟ Et ce prophète qui a été envoyé à cette communauté, il a été envoyé avec quoi? Hein? Ce prophète à qui personne n'a répondu, personne n'a répondu à sa da'wah. Et ce prophète qui va arriver le jour de la résurrection avec deux hommes, et l'autre avec trois, hein? Ou neuf ou dix. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Qu'est-ce qu'ils ont transmis? Avec quoi ils ont été envoyés? Ils ont été envoyés avec la guidée et avec la religion de vérité. Alam yakunu a'zama an-nasi makanan 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'ils n'avaient pas une grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont les élus min Allah azza wa jal. Hein? يقول حفظه الله فما أظن أن أحدا منكم يخالفني في الجواب ببلاء فكيف بمن دونهم ممن يدعو إلى الله على بصيرة إيه حفظه الله تعالى quand il a dit est-ce qu'il n'était pas important c'était pas des grands hommes hein il a dit je ne crois pas que quelqu'un que tout un il a dit je crois que tout un chacun de vous va répondre certes c'était des grands hommes et des hommes importants important parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a élus pour être ses messagers hein? Alors si eux ils arrivent un prophète arrivera avec une seule personne l'autre il arrivera avec personne et l'autre avec une dizaine hein? Qu'est-ce qu'il en est des autres qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance hein? Ils ne sont pas plus importants que les prophètes alayhi salatu wassalam. Donc peu importe que tu sois situé dans la vérité, peu importe que tu sois dans un grand nombre, que tu sois dans un petit nombre. Ce qui compte, c'est la vérité. Ce qui compte, c'est la vérité. يقول الشيخ وثانيا هذا الحديث فيه دليل على أن العبرة ليست بالكثرة بل العبرة في إصابة الحق. Et cher de nous dire, deuxièmement dans ce hadith, ce qu'il faut prendre en considération, t'attire sur l'attention, ton attention sur le fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est pas le nombre. Mais, c'est le fait d'être dans la vérité. Voilà ce qu'il faut prendre en considération. Et non pas le nombre. يقول حفظه الله وقد تفتنا إلى هذا المجدد الثالث للسلفية رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في مسائل على الباب والحديث لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة il dit حفظه الله تعالى que le troisième revivificateur de la voie salafi qui est الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه dans certains sujets qu'il a écrit Hein? Concernant ce chapitre et concernant ce hadith, il a dit il ne faut pas se faire avoir par le grand nombre, mais il faut s'éloigner du petit nombre. Hein? Il ne faut pas se faire avoir par le grand nombre, ni avoir peur, ni s'éloigner du petit nombre. يقول حفظه الله وهذا المعنى يزيده وضوحا حديث افتراق الأمم الذي هو صحيح بمجموع طرقه فقد جاء في بعض طرقه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة وهذه الرواية الصحيحة وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة وفي رواية أخرى ضعيف إسنادها لكنها صحيحة المعنى والشواهد عليها كثيرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الواحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il dit حفظه الله تعالى il renforce ce sens, il lui donne encore plus de clarté, plus de signification, le hadith des groupes. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la division des communautés en groupes. Le hadith, par les différentes voies de transmission par lesquelles il est arrivé, il est authentique. Dans certaines voies de ce hadith, il est arrivé, cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous en enfer, sauf une. Et j'ouvre une parenthèse, quand tu entends tous en enfer sauf une, ça ne veut pas dire qu'ils vont être éternellement au feu de l'enfer. Ceux qui vont être éternellement au feu de l'enfer, c'est ceux dont leur divergence et leurs innovations est le domaine de la mécréance. Mais ceux dont leur divergence avec le messager alayhi salatu wassalam, il y avait que la voix du puiseur d'Allah Alim n'est pas du domaine de la mécréance. Cela, il rentre sous le vouloir d'Allah. Si Allah, il les châtie, ce sera justice accomplie min Allah. Si Allah leur pardonne, ce sera clémence min Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Pour que viennent pas, hein, les insensés, hein, et ceux qui sont en divergence avec la voix, ils viennent te dire, mais vous vous rendez mécréant toute la communauté. Là, on rend mécréant personne. Le mécréant, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il est mécréant. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le mécréant, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont décrété qu'il est mécréant. Nous, on décrète la mécréance de personne. Hein? Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ces groupes, hein? Et qu'il a dit un seul qui va être sauvé, les compagnons lui ont dit, laquelle est Rasoul Allah? C'est qui ce groupe qui va être sauvé? Il a dit le groupe, le jama'a, les hommes de l'union. Ça, c'est la version authentique du hadith. Ibn Mas'ud de ne expliquer qui sont les gens de l'union. Ils ont dit le jama'a. Il a dit le jama'a, les gens de l'union. C'est le fait de concorder avec la vérité, même si tu es seul. Tu es donc le jama'a dans ces cas-là. Quelque part, tu es seul, dans la vérité, c'est toi le groupe. Et les autres, c'est eux la division. Hein? Parce que le jama'a, c'est la vérité. C'est le fait d'être dans la vérité. Dans une autre version, dont la chaîne de transmission est faible, mais le sens est authentique, et il y a beaucoup de témoignages pour cette version, c'est la parole du messager alayhi salatu wassalam, quand on lui a posé la question sur le groupe sauvé, il a dit, ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Ceux-là, ce sont eux le groupe sauvé. C'est le groupe de la vérité. Pourquoi ? Simple. Ils sont sur la même voie sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam, et sur la même voie sur laquelle était Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Abu Huraira et les autres compagnons. Hein? Donc ils sont dans la vérité. Et rappelle-toi le verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala comblé de ses bienfaits, il y a les prophètes et il y a les véridiques. Ils rentrent en priorité dans les véridiques après les prophètes alayhi salatu wassalam, les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, et à leur tête Abu Bakr ridwanullah alayhi. Et tous les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam sont des véridiques. Comme si eux ont priorité qui rentrent dans les martyrs, comme si eux ont priorité qui rentrent dans les vertueux. يقول حفظ الله والشواهد إن لم تكن مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى هذه الرواية فإنها متواترة إما متواترة وإما مستفيضة. إنه parle de cette عليكم السلام ورحمة الله dit que les témoignages pour cette parole, c'est-à-dire la voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes compagnons, il a dit les témoignages qui témoignent pour cette parole comme quoi ce sont ces bancs sont nombreuses, ont été rapportées, sont très nombreux par différentes voies. يقول فبان بهذا التقرير أنه لا عبرة بغير إصابة الحق لا عبرة بغير السداد في الأقوال والأعمال وهذا السداد هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم Et il dit maintenant, après ce que tu as entendu, et après cette confirmation, que ce qu'il faut prendre, il t'apparaît clairement que ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait d'être dans la vérité. Et que, hein, ce qu'il faut chercher, c'est de l'avoir dans le mille. Que ce soit au niveau de tes paroles, ou au niveau de tes actes. Et le fait de l'avoir dans le mille, c'est dépouiller ton suivi que pour le messager, alayhi salatu wassalam. Que ton ce que tu sois dans un suivi aveugle du messager alayhi salatu wassalam. C'est ça l'avoir dans le mille. L'amr al-talit. Al-atar ladhi yusahihu raf'ahu ba'du tullab al-ilm. Ba'd ahl al-ilm. Wadhalikum al-athar. Yahmilu hadha al-ilm min kulli khalafin uduluh. Yanfoun anhu tahrif al-ghalin. Wa intihal al-mubtilin. Wa ta'wil al-jahilin. Et le troisième point pour te réconforter, pour ne pas te sentir seul sur cette voie, c'est ce hadith que certains nombres de sciences font authentique. Le hadith, il dit, portera cette science de chaque génération les dignes de cette communauté. Et ils vont mettre de côté les déformations de ceux qui vont à l'extrême. Ils vont mettre de côté les déguisements des imposteurs. Ils vont mettre de côté les interprétations des ignorants, c'est-à-dire les fausses interprétations des ignorants. يقول حفظه الله فإذا تقرر بعد هذا وتحصل لدينا أن العبرة كل العبرة والميزان الحق هو في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من البشر قدوة حسنة سواه لذاته كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى دي حفظه الله تعالى tout ceci s'est confirmé dans notre esprit il s'est confirmé pour nous et que maintenant nous savons ce qu'il faut prendre en considération c'est la vérité et que la réelle balance pour juger les choses c'est le fait d'être dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis quelqu'un à suivre complètement que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu le suis dans tout Les autres hommes, en dehors de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu les suis dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu le suis. Allah, il te l'a pris comme modèle. Il te l'a mis comme modèle. Il te l'a envoyé comme modèle. Comme il est dit dans le verset, vous avez le meilleur des modèles dans le messager d'Allah. Pour qui? Pour ceux qui espèrent en Allah Azza wa Jal. Et qui espèrent la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà et qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. يقول فننتقل ايها الابناء الى بعض القواعد في المنهج السلفي. Et il dit maintenant après nous avoir donné les trois points pour se réconforter quand on se sent seul, on revient verser, on se remémorise ces trois points pour savoir pour ne pas se faire balayer et pour ne pas être perturbé dans son esprit et pour ne pas gober les ambiguïtés et tomber dans les gérants des faussaires et de ceux qui ont divisé la voie de leur puissance d'Allah alayhim et des égards tu te remémères tout ceci et ça peut être à l'aïtmoufti pour te maintenir sur la voie et pour te sentir qu'en réalité tu n'es pas seul. Hein? Et maintenant, il dit, après ces points, nous passons à certaines règles de la voie salafie. يقول حفظه الله وقبل أن ألقي عليكم فهمنا الله وإياكم صواب الحجة في الدنيا والآخرة بعد ما تيسر لدي الليلة أريد أن أعرف المنهج السلفي وتعريف المنهج السلفي يستدعي منا شيئين يلي حفظه الله تعالى avant de vous faire de vous donner les règles qu'Allah سبحانه وتعالى nous donne à tous la compréhension et nous donna tous le fait d'être dans la vérité et de toucher la vérité dans ce bas monde et dans l'au-delà, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne notre preuve avec nous. Dit, je veux vous faire connaître d'abord la voie salafie. Et la définition de la voie salafie implique deux choses. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, l'awwal fi salafiyya, wa tani fi tahdidi hadha al-manhaj ma huwa wa bayani ma'naha. Dit, le premier point concerne la salafia. Le deuxième point, c'est la limite de la voie salafique. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? يقول فالسلفية الأمر فيها واضح فهي من حيث اللغة نسبة إلى من سلف بمعنى مضى فيقول للماضي السالف وإذا أمضى الإنسان شيئا قيل له أسلفه وفي الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير يعني ما أمضيت من قبل. La salafia, en ce qui la concerne, sa définition, elle est claire. En ce qui concerne la langue arabe, c'est le fait de s'attribuer au salaf, de t'attribuer à ceux qui sont passés avant toi. Le passé, ça s'appelle salif. Et quand quelqu'un a fait quelque chose et que cette chose est passée, on dit que ça, Amrun Aslafa, c'est un sujet, ça y est, qui est passé devant lui, ça y est. C'est du domaine du passé. Et dans le hadith, tu t'es converti sur le bien que tu as fait auparavant. Alama Aslaft. Et tout ce qui est passé avant. Donc Salafia, ça parle du. En arabe, c'est quelque chose qui est passé. Ton père, c'est un salaf par rapport à toi. Ton grand-père qui est mort, c'est un salaf par rapport à toi. وهي في اصطلاح اهلها وهم خاصه اهل النبي صلى الله عليه وسلم وخالصه اتباعه كل من مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على اثره من اصحابه وائمه التابعين ومن بعدهم. La terminologie, c'est les gens de la salafia. Ce sont les particuliers du prophète alayhi salatu wassalam. Et la crème de ses disciples, de ceux qui l'ont suivi. Et tous ceux qui sont passés après le prophète alayhi salatu wassalam et qui sont sur son chemin parmi ses nobles compagnons et les imams de leurs successeurs, c'est-à-dire des successeurs, des compagnons, et ceux qui les ont suivis sur la même voie. وإذا أطلق لفظ السلف الصالح فإنه لا ينصرف إلا القرون إلا إلى القرون الثلاثة المفضلة. Et quand on dit le terme السلف الصالح, les pieux prédécesseurs, ceci concerne les trois générations qui ont reçu l'éloge من الله عز وجل, et les trois meilleures générations de cette communauté. وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم أتباع التابعين وعلى هذا ينزل المحققون من أهل العلم من أهل علم الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وما في معناه من الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن quand on parle de ces trois générations qui ont reçu l'éloge min Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, ceux qui l'auront succédé et les successeurs des successeurs des nobles compagnons de Mohammed alayhi sallam. Ashabu Rasulillah, tabi'un wa tabi'at tabi'in. Et c'est donc sur cela que les hommes de science appliquent ce hadith où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération et ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Et aussi la signification d'autres hadiths authentiques qui vont dans le même sens. وَإِمَّةُ السَّلَفِ بَعْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّابِعِينَ مِثْلِ السَّعْدَيْنِ وَالشَّعْبِي وَعِكْرِمَ وَمُجَاهِدِ. Et les imams de la salafia, après les nobles compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, parmi tabi'in, sont l'exemple de Sa'dayn, Sa'id ibn Jubayr, Sa'id ibn al-Musayyib, wa Sha'bi, wa Ikrima, Mujahid, et d'autres. Cela, ce que le Cheikh nous a cité. Wa min atba'i tabi'in, man ba'da tabi'in, al-a'imma al-arba'a, wal-awza'i, wal-hammadayn, والسفيانين والليت بن سعد وبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري ومسلم ومن سلك سبيل هؤلاء فإنهم أئمة السلف. Et parmi les successeurs des successeurs des nobles compagnons qui sont atba' al-tabi'in, il y a les quatre imams des écoles de jurisprudence. Après il y a l'Awza'i, il y a les deux Hammadayn, il y a les deux Soufianais, il y a Soufian et Soufian, Soufian Tauri et Soufian ibn Uyina, il y a Layth ibn Sa'd, Abi Ubaid al-Qasim ibn Sallam, le Bukhari, l'imam Muslim, et ceux qui ont suivi la voie de ceux-là. Ceux-là, ce sont les imams. Hein, les imams de nos plus, parmi nos plus prédécesseurs. Aïmmat Salaf Salih Ridwanullah alayhim. Yaqoul, واعلموا بارك الله فيكم أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر في أي زمان أو مكان. فلم يكن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى المجدد الثالث للسلفية مع أخيه الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع مجددين للسلفية، ولا من قبلهما من أهل العلم وأئمة الدين ودعاة الحق إلى هذه الملة الحنيفية مؤسسين لها، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ومن قبله الأئمة الأربعة ومن سمينا من الأئمة، ولا التابعون ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من مضى من قبله من النبيين والمرسلين مؤسسين للسلفية، بل هي من عند الله جاءت. فالنبيون والمرسلون بلغوا عن الله ما أراده من الشرع، ومن بعدهم دعاة إلى الله وفق هذه الشرعية، ولهذا فإنه ليس لها مستند سوى النص والإجماع. إيه دي حفظه الله تعالى. سوسي très important. Ne pas que tu tombes dans l'ambiguïté de ceux qui te disent la salafia c'est un parti comme les autres. Abadan akhal islam. Hein? Écoute bien. Ce passage est très important pour que tu ne tombes pas dans ta tête, que tu ne te fasses pas perturber en face de perturbateurs et de faussaires et de divions qui veulent t'injecter des ambiguïtés. La salafia, personne ne l'a fondée. Il n'y a pas de fondateur humain pour la salafia. Dans n'importe quelle époque, à n'importe quelle époque, ou n'importe quel pays, ou n'importe quel lieu, il n'y a pas eu de fondateur humain pour la salafia. Ni Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh, qui est le troisième revivificateur de cette voie salafie, ni l'imam Mohammed ibn Sa'ud, qui était avec lui, et qui est considéré comme un revivificateur de la salafia aussi, et avant eux, les imams de la science que Cheikh nous a cités ne sont pas des fondateurs de la salafia. Et avant eux, les prêcheurs de la vérité, hein, ne sont pas les fondateurs de la Salafia, que ce soit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, Ibn al-Qayyim, leurs élèves, ce ne sont pas des fondateurs de la Salafia. Et avant eux, les grands imams, les quatre imams des écoles de jurisprudence, et tous les imams que Cheikh nous a cités, ne sont pas les fondateurs de la Salafia. Ni les successeurs des nobles compagnons ne sont les fondateurs de la Salafia. Ni les compagnons eux-mêmes, ce ne sont pas les fondateurs de la Salafia. Mohammed a.s. n'est pas le fondateur de la Salafia. Les prophètes avant lui ne sont pas les fondateurs de la Salafia. La Salafia est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam ont transmis d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont transmis la législation et les voies qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et après eux, les prêcheurs de la vérité se conforment à la législation qu'ont transmis ces prophètes alayhi salatu wassalam. Et donc la salafia, sa référence c'est quoi? C'est pas un homme. C'est pas les principes qu'a fondu un homme, comme tu le trouves dans les autres groupes. Abadan, sa référence c'est quoi? Ce point de départ, c'est le texte et le consensus. La parole d'Allah, l'authentique de la sunna, et le consensus de la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une voie qui est épargnée de l'erreur. Oui, la salafia est épargnée de l'erreur. Mais il faut faire la différence entre la salafia et le salafi. La salafia, c'est une voie épargnée de l'erreur. Le salafi, c'est un être humain qui tombe dans l'erreur. Il ne faut pas que tu confondes les deux. Il faut que tu mélanges les pinceaux. Il faut que tu fasses la différence entre une voie instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala et une voie que Allah subhanahu wa ta'ala, la seule voie qu'il agrée, qui est une voie épargnée de l'erreur, et les humains qui prennent cette voie. Les humains qui prennent cette voie sont comme tout un chacun parmi les humains, des gens qui se tombent dans le péché, qui font des erreurs. Donc si erreur il y a, il ne concerne pas la voie, il concerne la personne. On ne l'attribue pas à la voie, abeden. Sinon on est injuste dans ces cas-là. On l'attribue à la personne, et non pas à la voie. La voie, il est épargné de l'erreur. يقول حفظه الله فجميع أقوال الناس وأعمالهم ميزانها عندنا شيئان النص والإجماع فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا من كان. الشيخ de te l'expliquer d'une autre façon, il te dit: les paroles, toutes les paroles des gens et tous leurs actes, leur balance chez nous, c'est-à-dire chez les gens de la Salafia, deux choses: le texte, Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le consensus. Donc toute parole de n'importe qui ou tout acte de n'importe qui, s'il est conforme à un texte et à un consensus, il est accepté de lui. Toute parole, tout acte de n'importe qui sont en divergence avec un texte ou avec un consensus, ils lui seront rejetés, qu'il soit qui il veut être. Ils lui sont rejetés. يقول حفظه الله ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة فإن خطه يرد ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته. Fais très attention à ce qui passe maintenant, pour que ton comportement il soit différent d'une personne à une autre. Parce que les personnes qui tombent dans l'erreur sont de différentes. Il y a celui qui est dans la sunna et celui qui ne l'est pas, qui est en divergence avec la sunna. Donc il dit Hafidhahullah Ta'ala, contre ce divergent, celui qui est en divergence avec un texte et avec un consensus, ou avec un consensus, ses fondements, c'est la sunna. Sa da'wa, c'est une da'wa de sunna. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est la sunna. Et donc son erreur, il lui sera rejeté. et on ne le suit pas dans son erreur, et son honneur il sera préservé. T'as compris? Si la personne, salafi, confirmé dans sa da'wa salafi, ses fondements sont salafi, sa voix il est salafi, ses paroles sont salafi, ses actes et ainsi de suite, et il arrive qu'il fasse une erreur. Hein? C'est son erreur, une fois pesée par le texte et par le consensus, ben son erreur sera rejetée et il lui sera répliqué, mais son honneur à lui sera préservé. Parce qu'à la base, c'est un sunni, c'est un salafi. وإن كان ضالا مبتدعا لم يعرف للسنة وزنا ولم تقم لها عنده قائمة مؤسسا أصوله على الضلال فإنه يرد عليه كما يرد على المبتدعة الضلال ويقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. Et maintenant, de l'autre côté, c'est celui qui, duquel il a l'erreur. C'est un égaré, innovateur. Il n'est pas connu de la sunna. Hein? Il donne aucune importance à la sunna. Ses fondements et la voie sur laquelle il marche, ce sont des fondements de l'égarement. Il lui sera répliqué. Et répliqué à son innovation, à ça et à son égarement. Et la position à adopter avec lui, c'est être sévère avec lui, de le mettre à la quarantaine, et d'avertir les gens contre lui. Sauf s'il découle du fait d'avertir contre lui un grand mal, plus que le bien qu'on peut tirer une fois qu'on avertit contre lui. Hein? Par exemple, tu es dans un pays, du pays du Maghreb, tu sais que un des ministres d'un des pays du Maghreb, il est soufi. Ben, tu ne vas pas t'attaquer à sa personne directement. Hein? Surtout que s'il a le pouvoir, il a force avec. Donc, tu vas t'attaquer à son erreur. Ceci, c'est une erreur. Ceci n'est pas conforme à la sunna, etc. Hein? Mais tu t'attaques parce que si tu attaques à lui directement, il va en découler un grand mal. Hein? Mais l'erreur doit être rejetée à l'islam. Et ça, comme le confère Cheikh dans beaucoup de cours, c'est le fait de savoir repousser le mal et ramener le bien. Et le fait de repousser le mal et demander. Ils ne savent le faire que les hommes de science à l'islam. يقول حفظه الله وأما المنهج السلفي فلعله بان لكم من هذا البيان أنه اتباع كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك قولا وعملا هذا هو المنهج السلفي وهو الطريق السلفي وهو مسلك أهل السنة والجماعة لأن السلفية لها عدة مسميات ولا اختلاف بينها في المعنى فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة. Et il dit, Habidallah Ta'ala, quant à la voie salafi, il dit, il vous apparaît clair maintenant ce que ça veut dire la voie salafi. C'est le fait de suivre tout ce qui te vient du prophète alayhi salatu wassalam et de te cramponner à toute parole et tout acte du messager alayhi salatu wassalam. Tu te cramponnes à tout ce qui t'arrive du messager alayhi salatu wassalam, que ce soit au niveau de la parole ou au niveau de l'acte. Ça, c'est la voie salafi. Ça, c'est le chemin du tipuzer d'Allah alayhi. Et c'est la voie des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, car la salafia a beaucoup de termes. Il est désigné par beaucoup de termes par les hommes de science et par le tipuzer d'Allah alayhi. Il n'y a aucune divergence entre ces termes dans le sens. Ça désigne les mêmes personnes. Ceux qui sont sur la même voie que le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Ceux qui suivent à la perfection le rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles compagnons et leurs successeurs. C'est le groupe sauvé. C'est le groupe victorieux. C'est les gens du hadith. C'est les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et les termes sont nombreux et le sens il est identique. يقول فإذا تقرر هذا فإني أورد لكم بعض القواعد. Il dit si ceci est confirmé, donc je vous donne certaines règles. القاعدة الأولى الانتساب إلى السلفية. La première règle, l'appartenance à la salafia. Et écoute, toi qui es allergique, ou qui est allergique au terme salafi, ou au fait de te dire salafi, écoute bien. يقول حفظه الله فإن كثيرا ممن يدعون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم على الهدى يشمئزون من الانتساب إلى السلفية وحتى تطمئن قلوبهم إلى هذه النسبة أعني الانتساب إلى السلفية وتقوى عزيمتهم لأن ما وقر في قلوبهم من الاشمئزاز منها فهي وسوسة شيطانية وقواها في قلوبهم ضعف العزيمة وقلة الفقه في الدين فلو كانت عزائمهم قوية وتحصلهم من الفقه في الدين قويا ما اشمأزوا من ذلك ولم يجدوا في أنفسهم غضاضة منه فنقول لهم il dit habidallah azza wa jal. Et cette première règle est une réplique à tous ceux qui veulent vous sortir de la salafia ou tous ceux qui vous disent ouais tu dis pas salafi, ça n'existe pas le fait de t'attribuer salafi, ouais moi je suis la voix du messager alayhi salam, ses nobles compagnons, mais je vois pas qu'il faut dire que je suis salafi. Tout ça ce sont des ambiguïtés à l'islam. Et il dit habidallah ta'ala beaucoup parmi ceux qui prétendent qu'ils font partie des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna et qui sont sur la voie ont une allergie ou des irritations ou se sentent pas bien au fait de se dire salafi ou de s'attribuer à la salafia. Et pour que leur cœur soit quié pour cette appartenance et pour que leur résolution soit renforcée, car ce qui s'est installé comme irritation dans leur cœur, ce ne sont que des insinuations sataniques et qui ont été renforcées dans leur cœur par la faiblesse de leur résolution et par le peu de compréhension de la religion qu'ils ont. S'ils avaient des fortes résolutions et s'ils avaient de la jurisprudence et de la une grande compréhension de la religion, ils n'auraient pas eu cette hésitation ni cette allergie contre le fait de s'attribuer à la salafia ou de se dire salafi. Et il dit, nous leur disons ceci. أولا جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها فنعم السلف أنا لك. Il dit, nous leur disons ceci. Premièrement, il a été rapporté dans le hadith authentique ce qui le prouve. Et parmi ceux-ci, la parole du messager alayhi salatu salam, qu'il a dit à Fatima radiyallahu anha wa ardaha, bénis le salaf pour toi que je suis. Fani'ma salafu ana laki. L'amru tani, anna hadihi nisba, lam takun muhdatatan, bal hiya min ahdi ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. فيقال لهم السلف وكلمة السلف دارجة عند أئمة هذه الملة أهل السنة والجماعة ويزيد هذا وضوحا الإجماع على صحة الانتساب إلى السلفية وأنه لا غضاضة في ذلك. Deuxième point, c'est que l'appartenance à la salafia, c'est pas quelque chose d'innové ou quelque chose de nouveau, mais il était connu depuis l'époque des nobles compagnons, ridwanullah alayhim. Hein? Il se disait d'eux as-salaf. Et le terme salaf, c'est une phrase qui est courante dans la parole et dans les écrits des grands imams de cette communauté. Hein? Et des grands imams de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Il te donne plus de clarté à ce sujet, le consensus sur la validité et l'authenticité du fait de s'attribuer à la salafia. Et qu'il n'y a aucun mal dedans. Au contraire. Et écoutez maintenant celui qui va vous réciter le consensus. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah. Et qui sait quand il rapporte le consensus? Qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah. La aïba على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا انتهى كلامه رحمه الله il dit حفظه الله تعالى écoutez maintenant le consensus qui vous est rapporté par Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et quand Cheikh l'Islam il rapporte le consensus, tiens-toi là. Hein? Il te vient d'une montagne. Il dit rahimahullah wa ghafara lah wa askanahu fasiha jannati. Il n'y a aucun mal pour tout un chacun qui fait apparaître la voix du salaf. Et pour tout un chacun qui s'attribue à la, au salaf, et à la, voix du salaf, c'est-à-dire à la salafia, et qui se dit, je suis salafi, il n'y a aucun mal. Il faut accepter ça de lui. À l'unanimité, il faut l'accepter de lui. Il ramène bien le terme l'unanimité. À l'unanimité, il est obligatoire de l'accepter de lui. Car la voix du salaf, ce n'est que la vérité. Hein? Maintenant, que dira hein, le Rachid de Brest ou la Bouchaïma de Bruxelles devant le consensus qui est rapporté par Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, où tous ceux qui se disent on n'a pas le droit de s'appeler salafi. Hein? Fahadi al-ibara, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah wa yaqulu hafidhahullah وراجعوها إن شئتم في الصفحة التاسعة والأربعين بعد المئة من المجلد الرابع من مجموع الفتاوى لابن قاسم فهذا علم من أعلام منهجنا المشهود لهم بجلالة القدر والسابقة في الفضل ينقل الإجماع ومن هو ابن تيمية إذا نقل الإجماع إنه حجة في نقل الإجماع ضمن قلة من أهل العلم يحتج بهم في نقل الإجماع. Il dit, Habidallahu ta'ala, cette expression de la, de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, révisez-la si vous voulez, à la page 149 du quatrième tome du recueil du Fatawa de Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, recueilli par Ibn Qasim, rahimahullah. Et il dit, Ibn Taymiyyah, ça, c'est un emblème, parmi les emblèmes de notre voie, un emblème à qui les hommes de science attestent la grandeur et l'importance et les bienfaits. Et il dit qu'Ibn Taymiyyah rapporte l'Ijma, et qui c'est Ibn Taymiyyah dont l'Ijma quand il rapporte le consensus, car Ibn Taymiyyah est une preuve quand il rapporte le consensus. Parmi peu de gens de science sont considérés ainsi. Il y a peu de gens de science qui, quand ils rapportent le consensus, ils sont considérés comme preuve. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah fait partie de ce peu d'hommes de science qui est considéré comme une preuve quand ils rapportent le consensus. Yaqulu hafidhahullah. Faya shabab al-Islam. Khassatan. Wa ya ayyuhal muslimun ammatan. لا يكونن في صدوركم حرج من الانتساب إلى السلفية بل ارفعوا بها رؤوسكم واصدعوا بها ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم Il dit, ô jeunesse de l'islam en particulier, ô musulmans en général, n'ayez rien dans vos cœurs et dans votre poitrine concernant le fait de s'appartenir à la salafia. Levez la tête avec la salafia et dites-le haut et fort. Et n'ayez crainte de personne. Ne faites pas attention aux critiques, ni à ce qui sera dit. يقول وازيدكم شيئا آخر ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق وبالتحديد في الصفحة على ما أظن 55 بعد 100 أن من علامات البدع ترك انتحال السلف الصالح من علامات البدع ترك انتحال السلف الصالح Il dit, حفظه الله تعالى, je vous rajoute autre chose. Qui est cité par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, dans la même référence, c'est-à-dire le quatrième tome, cette fois-ci à la page 155 du quatrième tome. Il fait partie des signes de l'innovation, c'est le fait de ne pas s'attribuer à la voix du plus aïeul. Fait partie des signes de l'innovation, le fait de ne pas s'attribuer à la voix du plus aïeul. Clair et net. يقول فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم والمناوئة لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره السلفية ويكره الانتساب إلى السلفية Il dit حفظه الله تعالى Tu ne trouveras pas un خلفي qui est le contraire du salafi et qui ne suit pas le salaf surtout ceux qui sont les adeptes des groupes de la da'wa qui existent maintenant, comme les Sororé, comme les Qutbé, comme les Ikhwan, comme les Tablir, comme les Ahbash, ils en passent, multitude de groupes. Il dit tous ces groupes innovés qui sont apparus sur le terrain aujourd'hui, et qui sont les ennemis des gens de la Sunna, et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, ils détestent la Salafia. Ils détestent le fait d'appartenir à la Salafia. Ils détestent, le fait de se dire salafi. لماذا؟ Pourquoi؟ لأن السلفية ليست مجرد نسبة بل السلفية تجريد إخلاص الله تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم Pourquoi il déteste ainsi la salafia? Parce que la salafia, ce n'est pas tout simplement une appartenance. La salafia, c'est le fait de dépouiller et de réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ton suivi, il n'est que pour le messager, alayhi salam. C'est-à-dire, les principes fondamentaux du Hassan al-Banna, ou de Ilyas, ou de Sourour, ou de Al-Habashi, Al-Harari, et ainsi de suite, à la poubelle quand ils ne sont pas conformes avec la sunna et avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna et c'est ça qui les dérange dans la salafia alors ils te disent qu'ils font partie des gens de la sunna et du groupe et du gens de la sunna et qu'ils te disent oh et fort nous mettons en application le livre d'Allah Il est authentique de la sunna, oui. Mais avec quelle compréhension? C'est là le hic. Dès que tu lui dis avec quelle compréhension, hop, il se sauve, il file en guille, il glisse. Parce qu'il sait que tu vas le coincer. Parce que s'il accepte la compréhension des puisères d'Allah alim et la voix des puisères d'Allah alim, ça veut dire les fondements instaurés par le fondateur de le groupe doivent tomber à l'eau. C'est fini. Et là, il ne va pas accepter, il commence à jouer avec toi. Mais, il commence à jouer, à te mener en bateau. Alors que c'est clair, ce livre d'Allah et cette sunna, je la comprends comment? Si je ne prends pas la compréhension des nobles compagnons qui ont vécu la révélation, et qui ont vu les choses, et si je ne prends pas la compréhension de ceux qui ont apprécié les nobles compagnons, et ainsi de suite, de qui je vais l'apprendre? Qui connaît mieux? Les nobles compagnons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a choisis pour être les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, et pour faire triompher sa religion. Hein? Ils ont vécu, ils ont transmis radiyallahu anhum wa ardahum la lettre, ainsi que la signification, ainsi que la mise en application. Ils ont tout mis, ils ont tout transmis. Et si je ne prends pas cette interprétation des nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection, je suis perdu. Je suis un khalafi. Je suis perdu. Et je vais ramener autre chose que la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salatu wasalam. J'ai pratiqué une religion, hein, qui est défigurée, qui ne ressemble pas à la religion, hein, qu'a transmis Mohammed alayhi salatu wasalam, et sur laquelle, et pour laquelle il a dit, c'est la voie sur laquelle je suis, moi aujourd'hui, et mes nobles, et mes compagnons. يقول حفظه الله فالناس يا بني حزبان حزب الرحمن وحزب الشيطان فحزب الشيطان الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا وحزب الرحمن هم المسلمون الذين لم يركبوا ما يخرجهم من مسمى الإيمان إخراجا كاملا وخالص حزب الرحمن الذين لم يضلوا ولن يضلوا ولم يتنكبوا جادة الهدى والحق في كل زمان ومكان ولم يجتمعوا على ضلالة هم السلفيون أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية إل دي حفظه الله تعالى أو فيستون les gens sont deux parties le parti du Clément et le parti du Satan. Le parti de Satan, ce sont les hypocrites. Hein? L'hypocrisie concerne les croyances. Hein? Et les mécréants. Et le parti du Clément, ce sont les musulmans qui n'ont pas accompli un acte qui les sort de la foi complètement. Et l'élite du parti du Clément, ce sont ceux qui ne se sont pas égarés, qui ne vont pas s'égarer et qui sont sur la vérité en tout lieu, en tout temps et qui ne se réunissent pas sur l'égarement. Ce sont les salafis, ce sont les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. C'est le groupe victorieux, c'est le groupe sauvé. Sallallahu alayhi wa sallam. Janna wa iyaakum minhum. Janna min man yuhakiku minhaja salafihi salih. إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا